Je pense que dans la tête de beaucoup d'élèves aujourd'hui, ils savent bien que leur avenir n'est pas forcément drôle. Mais ce que j'ai en tout cas cette année, eux, ce serait plutôt le contraire. Ils réfléchissent déjà, et alors moi je trouve que c'est triste, ils réfléchissent en termes de débouchés. Alors est-ce que c'est eux, est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est la pression de la société, tout ce que vous voulez. Et quand je discute avec eux, ils ne pensent qu'en termes de « je vais faire ça parce que là, il y a du travail ». Je trouve ça absolument désolant. Et du coup, ils sont devenus, pour beaucoup, utilitaires ou utilitaristes. À quoi ça sert? Est-ce que ce sera dans le contrôle? Apprendre pour apprendre, pour la beauté du geste. Et alors ça, je trouve que c'est... Ouais, je trouve que c'est d'une grande tristesse. Là, franchement, c'est un véritable échec de la société. Je comprends pas qu'on ait pu fabriquer ça. C'est ça vraiment, alors, il n'y a pas de quoi être fier. Enfin, je trouve que ça, enfin, leur a volé leur enfance, quoi. Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro ouh, est le ouvert, micro c'est est à ouvert. Toi. À toi. Oh. Oh, oh. C'est un véritable échec de la société. Je comprends pas qu'on ait pu fabriquer ça. Messieurs, bonjour. Cet après-midi, des lignes d'averses vont déferler sur notre pays. Donc, on aura un petit peu de tout, un temps variable et changeant. Des éclaircies, des averses qui peuvent prendre localement un caractère orageux et qui peuvent être aussi accompagnées de vents forts, comme hier. Donc, le temps sera plus sec à la mer. Alors, pendant la nuit, les averses ont quand même tendance à se raréfier. Puis elles... J'accepte pas les invitations des parents d'élèves. J'ai honte. Et il paraît que les hôpitaux, c'est le grand pésodrome. Ouais, c'est sympa. C'est Stéphane, ton coéquipier. On y va? C'est juste un jeune merdeux, là. Des problèmes existentiels après l'amour, c'est pénible. Oui, je voulais m'excuser hein, pour ce matin, chef. Bon, je suis au Mistral, je t'attends. Grand plan sur une affaire qui fait grand bruit chez nos voisins français. Le maire de Béziers l'a confirmé sur un plateau de télévision. Il a établi une liste avec le nom des élèves musulmans inscrits dans les écoles de sa ville. Un fichage qui fait réagir, même le président de la République l'a commenté. Et une enquête est ouverte. Frédéric Gersdorf. Bien sûr. Lundi soir, débat politique sur France 2 et cette déclaration de Robert Ménard. Dans ma ville, pour exemple, il y a 64,6% des enfants qui sont musulmans dans les écoles primaires et maternelles. Comment le maire de Béziers a-t-il obtenu ces chiffres? Ah mais écoutez, moi ces chiffres, c'est ceux de ma mairie. C'est ceux de la mairie. Les chiffres, c'est des chiffres nationaux, là, pour le coup. On les a, pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms des enfants. Je sais que j'ai pas le droit de le faire. Effectivement, effectuer des statistiques fondées sur la religion ou l'appartenance ethnique des habitants est illégal en France. Ça fait réagir à Béziers et au sommet de l'État. D'autant plus que le maire d'extrême droite se base sur le seul prénom de l'enfant, François ou Mohamed par exemple, pour définir sa religion. On n'est pas surpris de voir que l'extrême droite, quand elle est au pouvoir dans une ville, met en place des méthodes illégales et fiche les gens en fonction de leur religion, de leur spécificité et nie l'égalité entre les citoyens. Dans un pays comme la France, il peut y avoir de fichage d'élèves dans les écoles en fonction de leur nom, qui supposerait être leur religion. C'est contraire à toutes les valeurs de la République. Honte au maire, a déclaré Manuel Valls, le premier ministre qui, par le passé, s'était déclaré favorable à des statistiques ethniques dans un cadre légal précis. Ce fut aussi le cas de Nicolas Sarkozy. La France se déchire depuis des décennies sur le sujet. Robert Ménard, élu l'an dernier à Béziers avec le soutien du Front National, est un habitué des polémiques en tout genre. À peine nommé, c'est lui qui avait interdit dans sa ville que l'on pende du linge aux fenêtres. Musée de l'armée, il doit se tourner vers l'avenir, ce qui implique pas mal de changements. Et en plus, comme le révèle La Libre Belgique ce matin, une enquête internet en cours, elle viserait principalement le directeur ad intérim. Il aurait profité du système. Le point avec Stéphanie Lepage. Secoué par des remous internes, le musée de l'armée fait aujourd'hui l'objet d'une enquête menée par l'inspection générale de la défense. Elle a lieu alors que depuis plus d'un an, les syndicats dénoncent une mauvaise gestion du personnel et le train de vie abusif d'un des deux directeurs intérim. Il flotte dans l'air comme une odeur de guerre scolaire. Eh oui, la communauté française n'en a pas fini avec les clivages philosophiques. Au contraire, même, ils reprennent du service depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui estime que les parents ne sont pas obligés de choisir entre religion et morale. Rien ne va plus. Les piliers philosophiques sont dans une lutte d'influence permanente, mais qui était comme gelée, encadrée par le pacte scolaire de 58. Et ici, c'est finalement le printemps des piliers, puisque la Cour constitutionnelle casse les codes, réchauffe les appétits confessionnels et non confessionnels. Et maintenant, c'est aux politiques de prendre position, avancer, encadrer. Mais le politique ici, c'est surtout Joëlle Milquet, la ministre de l'Enseignement. Et soyons clairs, ça complique la situation. Et pourquoi ça la complique alors? Parce qu'elle est CDH, largement soupçonnée par les laïcs d'être proche, trop proche du camp d'en face, le pilier catholique. Procès d'intention, évidemment, dit-on au CDH, où l'on dit aussi, mais plutôt en off, être victime d'une agression, c'est le mot qui a été utilisé, de la part des laïcs, singulièrement de la FAPEO, la Fédération des parents de l'enseignement officiel. En gros, le pilier laïque voudrait faire, c'est ce qu'on croit en tout cas, main basse sur ce fameux cours neutre, le cours de rien, comme on dit parfois. Pourquoi? Pour enfoncer un coin, faire une OPA après sur les fameux cours de citoyenneté prévus dans l'accord du gouvernement. Alors, procès d'intention, parano, lutte d'influence, c'est pas Dallas, mais presque. Mais presque, effectivement, et ça commence à avoir des répercussions politiques. Oui, on se doute qu'au PS, plutôt historiquement proche du pilier laïque, on ne doit pas rester de marbre, le PS qui se montre pourtant très très discret sur ces questions en public, sauf Yvan Mayer, bourgmestre de Bruxelles, qui en franc-tireur y va d'un commentaire assez assassin sur Twitter. Une ministre, dit-il, ne doit pas relancer une guerre scolaire et des religions, une ministre qui gesticule au lieu d'agir. Et puis cette accusation. Et là, je le cite, avec sa circulaire, dit-il, Yvan Mayer, demandant aux parents d'anticiper le choix d'un cours philosophique pour l'année prochaine. Milquet, dit-il, veut procéder à un recensement religieux illégal et dangereux. Tiens, tiens, un recensement religieux illégal, est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Oh ben, à une polémique française, bien sûr, Franceline, à Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du FN, accusé de ficher les élèves musulmans de sa commune, de tenir registre de statistiques ethniques. La différence, évidemment, avec la Belgique, c'est qu'en Belgique, chaque élève est obligé de choisir son camp. Publiquement, la séparation est officiellement instituée, et c'est d'ailleurs pour ça que la Cour constitutionnelle demande l'organisation d'un cours neutre. En Belgique, qui est neutre? À ce stade, personne. sont dans le viseur de Bart Tomelain. Le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale veut rétablir les contrôles surprises à domicile. Évidemment, la mesure passe mal auprès de l'opposition. Elle dénonce une diabolisation des personnes sans emploi. Alors nous vous posons cette question ce matin. Est-il nécessaire de renforcer le contrôle des chômeurs par l'ONEM? Pour en parler, Marie Van Kutsem, nous recevons Sophie Remouchant, avocate spécialisée en droit social et présidente de la SBL Terra Laboris. Existe, on ne va pas être naïf, mais est-ce que cette mesure est pour autant une mesure nécessaire selon vous? Mais c'est toute la question à se poser, parce que ce qu'on n'a pas entendu dans les débats, c'est que l'ONEM dispose déjà de toute une série de mesures pour pouvoir vérifier ce qu'ils appellent la fraude au domicile, donc qui est une campagne que mène le gouvernement depuis déjà un certain nombre d'années et avant le gouvernement actuel. Donc la question est toujours, quand on parle de mesures qui violent ou qui sont susceptibles de violer les droits fondamentaux des gens, de voir si c'est la mesure la plus adéquate et la mesure indispensable pour atteindre l'objectif qui est poursuivi. Donc il faudrait d'abord s'intéresser aux résultats que l'ONEM obtient avec les moyens qu'il a déjà en main et qui sont quand même assez nombreux. Je peux peut-être préciser de quoi il s'agit. Oui, il y a par exemple cette visite à domicile en prévenant 10 jours à l'avance. Oui, mais ça, c'est ce que la réglementation permet à l'heure actuelle. L'ONEM a toujours eu la possibilité de faire des visites à domicile des chômeurs, et à un moment donné, il y a eu des tas d'abus et une réaction du monde associatif qui a dit bon, il faut encadrer ça. Et une loi en 99 puis en 2000 est venue modifier en prévoyant toute une série de garanties pour le chômeur. D'abord, la visite n'est pas obligatoire, elle suppose le consentement du chômeur. Ensuite, il y a une procédure qui doit être suivie, qui suppose d'abord l'audition du chômeur, là où il y a la possibilité de venir s'expliquer sur les éléments d'indice qu'a l'ONEM, venir expliquer si tel ou tel élément, pourquoi, comment, et éventuellement apporter des pièces complémentaires. Ce qui permet la plupart du temps à l'ONEM de se faire une situation exacte de la situation sans venir s'introduire dans la vie privée et familiale du chômeur, dans le domicile où il y a d'autres membres de la famille, etc. Alors ça n'est que si l'ONEM estime que ces mesures sont insuffisantes, qu'il a la possibilité de demander au chômeur de faire la visite à domicile. Et là encore, il y a des garanties, puisque l'ONEM ne peut pas envoyer n'importe quel agent administratif. Il doit faire déplacer 2 inspecteurs sociaux pour contrôler le domicile. Donc ceci pour être sûr qu'il n'y ait pas des abus, notamment des explorations totalement excessives dans le cadre du domicile. Et deuxièmement, le chômeur a la possibilité de se faire accompagner. Enfin, il y a l'obligation de dresser un procès-verbal au moment même que le chômeur a la possibilité d'examiner et éventuellement de signer s'il est d'accord avec les constatations. Donc on a ici toute une série de mesures qui permettent de s'assurer que l'instruction reste proportionnée. Assez complet, voilà, en tout cas. Tout à fait. Je vous propose d'écouter Emmanuel, il nous a appelé de Cours-Saint-Étienne. Je suis contre la visite à domicile des chômeurs parce qu'ils sont avant tout les victimes de notre système économique et capitaliste qui ne crée pas assez d'emplois dans notre société. Alors, est-ce que pour le dire autrement, on prend le problème à l'envers, Sophie Remouchant, au lieu de lutter contre les chômeurs, il ne faudrait pas plutôt lutter contre le chômage? Oui, ça paraît quand même assez évident. Ici, on parle d'une problématique qui est une problématique de catégorie, donc de montant des allocations de chômage. Donc pas tellement du fait que les gens sont au chômage ou pas au chômage, qui cherchent ou pas du travail, puisque là, il y a d'autres mesures assez contraignantes qui existent. Et cette problématique provient tout simplement de la différence entre les montants que les gens perçoivent selon leur situation familiale. celui qui est seul avec des enfants ou des parents âgés sans revenus va bénéficier d'une allocation plus élevée que celui qui est isolé, c'est-à-dire tout seul, ou encore que celui qui cohabite avec quelqu'un qui a des revenus même faibles. Et c'est cette absence d'individualisation des droits, alors que tout le monde cotise de la même façon, indépendamment de sa situation familiale, qui crée les différences entre les chômeurs et qui pousse certains à adopter des techniques de survie réellement, parce que bon, on parle quand même de certaines allocations qui sont au niveau de 400 euros par mois, avec peut-être un salaire qui est totalement insuffisant du côté du conjoint ou des cohabitations, je veux dire, de nécessité, avec des copains, où on va vivre chez la grand-mère, enfin des choses qu'on retrouve quand même dans la pauvreté actuelle. Alors je vous propose d'écouter une autre réaction, c'est celle de Thierry de Charleroi. Évidemment qu'il faut un contrôle. Le problème, c'est un contrôle qui respecte les droits de l'homme et les droits qu'on accorde aux autres citoyens. Or, visiblement, avec cette histoire de visite à l'improviste, les chômeurs sont à nouveau des citoyens de seconde zone. Et on sait qu'avant 2000, quand l'ancien système existait, il y avait des intimidations. On faisait peur aux chômeurs, on questionnait leurs enfants. Alors c'est une remarque qui est revenue plusieurs fois ce matin. Les auditeurs comprennent le contrôle, mais où est-ce qu'on peut mettre la limite? À partir de quel moment on viole la vie privée, les droits de l'homme? Oui, donc ce qui pose question ici, c'est qu'on cible une catégorie précise de citoyens, que sont les chômeurs. Donc on dit, voilà, les chômeurs, eux, ils auraient un régime spécial, et ce seraient finalement des citoyens pour lesquels il y aurait une partie des droits fondamentaux qui ne s'appliqueraient pas ou qui ne s'appliqueraient pas de la même façon. Ce qui est quand même heurtant sur le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier, parce qu'il n'est évidemment pas interdit de faire des ingérences dans la vie privée ou dans le domicile des personnes, mais il y a des garanties qui doivent exister. Premièrement, il faut que ce soit prévu par une loi, donc ça n'est certainement pas un ministre ou un gouvernement qui peut décider ce genre de choses. Deuxièmement, il faut que le but qui soit poursuivi soit légitime, et enfin, il faut que les moyens soient proportionnés. Donc il faut réellement trouver la mesure, indispensable, celle qui ne peut pas être remplacée par une autre mesure, donc je dirais la mesure ultime, et chercher s'il n'y a pas d'autres moyens moins attentatoires à la vie privée des gens qui permettraient d'atteindre un résultat équivalent. Merci beaucoup Sophie Remouchon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit social et que vous répondiez sur la question de ces contrôles que l'on pense imposer aux chômeurs, contrôle surprise à domicile. Je prends l'accent belge ? Non. Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois ? C'est moi. Bonsoir monsieur Leblanc. Georges Van Bruggel, à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois, et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman? Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites erreur, monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne du tout. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays? Ce sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Tu vas un petit peu m'expliquer qui tu es, hein, Catherine Forgel. Pourquoi j'avais envie... Moi, je tutoie facilement, en fait. Hein. Je suis désolée, c'est comme ça. Sauf avec certaines personnes où là, je sens qu'il vaut mieux que je dise vous. Mais voilà, Catherine Forgel, je ne connais pas, mais j'ai vu une annonce comme quoi cette dame était avocate et aidait les gens demandeurs d'emploi. Voilà, et j'ai même pas plus pris de renseignements... J'ai contacté Catherine et elle est ici en face de moi. Et donc c'est parti, j'avais envie de savoir un petit peu, Catherine, donc t'es avocate, qui tu es? Bonjour, oui effectivement on peut se tutoyer. Alors qui je suis? Je vais me définir par ma profession parce que c'est par cet intermédiaire-là qu'on m'a contactée. Mais même si je suis bien d'autres choses que ma profession, mais en définitive, je suis avocate depuis pas très longtemps et chercheuse à l'université de Namur. C'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui dans le parc de l'université. Et voilà, ça c'est pour la définition professionnelle de moi-même. Et quoi, tu es chercheuse. Chercheuse en quoi alors ? Donc je fais de la recherche en, bah, pour le moment, tout ce qui est vie privée. J'ai eu un contrat sur la cybercriminalité. Je viens d'écrire un article sur la collecte de preuves en matière pénale et lié au système informatique. Donc par exemple, si un policier saisit ton GSM, est-ce qu'il peut commencer à regarder les données qu'il y a dedans si, Réponse. Ben, moi je dis non, évidemment. Après, la jurisprudence et certains auteurs ne sont pas de cet avis-là. Mais bon, c'est gai de le déconstruire et de dire que normalement, la police doit demander l'accord d'un juge d'instruction. Donc, respecter une procédure qui est plus lourde que celle qui n'applique pour le moment. Et voilà, il y a plein d'autres questions qui se posent également. Est-ce qu'un policier peut devenir ton ami sur Facebook avec son nom ou pas avec son nom ? Dans quelle mesure est-ce qu'il peut récolter des informations de manière récurrente à propos d'une personne et donc la suivre, entre guillemets, sur Internet ? C'est toutes des questions donc liées à la matière pénale et les nouvelles technologies et les procédures d'enquête pour collecter des preuves sur les personnes. Et quoi, c'est toi qui as choisi, j'imagine, cette spécificité-là ou bien elle t'est imposée comment ? Bah, la recherche, on ne choisit pas toujours. Après, on choisit surtout le fait de pouvoir dire non, mais je n'ai pas directement choisi. On m'a proposé un premier contrat et puis là, on m'a proposé un deuxième sur les caméras de surveillance. Voilà, je pense que la recherche, c'est plus un... T'as une petite araignée, là. Ah. On sait jamais qu'elle te pique, voilà. Reprenons. Mais donc, oui, donc c'est pas toi qui choisis la thématique, quoi. Non, en recherche, c'est difficile, je pense, hein, de pouvoir choisir. Après, sauf si on commence une thèse de doctorat, mais sinon, c'est plus des contrats sur lesquels on a la chance de pouvoir travailler et de dire non si ça nous plaît pas, mais c'est... Et quoi, tu dirais non à quoi, par exemple ? Je pense qu'il y a tellement de possibilités de travailler sur des choses différentes que c'est difficile de dire sur quoi je pourrais dire non, parce qu'il y a énormément de choses qui ne m'intéressent pas, tout ce qui est matière civile, le droit familial, ça ne m'intéresse pas du tout, mais du coup, on ne me proposera jamais, parce que ça se ressent fort quand les gens n'aiment pas, donc c'est plutôt... Et donc c'est vachement dans l'air du temps, alors ta recherche, hein, la cyber... la cybercriminalité, c'est vachement dans l'air du temps, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup ce que je fais pour le moment, et là les caméras de surveillance, c'est aussi hyper intéressant. Ouais. Quoi, en gros, on est vraiment à une époque comme ça où on surveille beaucoup, on est fichés tous, quoi, on peut... Faut pas s'illusionner que ça fait déjà un bail, hein. C'est pas depuis la cybernétique, ouais. Évidemment, en même temps. Non, ouais, ça c'est vraiment des questions très difficiles, la question de savoir ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, c'est la même chose avec la question de la répression. Dans quelle mesure est-ce qu'on est dans une société plus répressive qu'auparavant ? C'est vraiment difficile à dire, c'est la même chose avec les violences policières, dans quelle mesure est-ce qu'il y a plus de violences policières qu'auparavant ? Enfin, c'est toujours des questions de criminologie sur laquelle moi je ne peux pas vraiment répondre, mais qui serait vraiment intéressante à explorer. Mais on sait le savoir, ça, s'il y a plus de violences policières qu'avant. Non ? On sait le voir, ça. En fait, s'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en considération, notamment le fait qu'il y ait plus de lois, par exemple. Enfin, par exemple, pour la répression, le fait qu'il y ait plus de lois, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de lois et que donc on peut plus facilement réprimer et que donc on se rend plus compte, ou est-ce qu'on est dans une société plus répressive ? Ben voilà, c'est la criminologie, et là-dessus, moi, je ne sais pas du tout répondre. Par contre, au niveau de la surveillance, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une implication des acteurs privés beaucoup plus qu'auparavant, et il y a une étendue des moyens d'action qui est beaucoup plus large, puisqu'il y a des nouveaux moyens, donc il y a forcément plus de surveillance. Après, oui, c'est un événement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et il y avait déjà des mesures d'investigation possibles auparavant. Mais voilà, après, ouais, plus de moyens, donc... forcément, sans doute, plus de surveillance. Mais bon, après, moi, j'ai jamais étudié la question, donc je pourrais pas me prononcer de manière sûre. Enfin, je réponds comme n'importe qui pourrait répondre. Donc, Et donc, l'idée, en fait, c'était de discuter aussi. Mais tiens, donc, t'es avocate, toi, Catherine, et l'idée de défendre les demandeurs d'emploi. Pourquoi cette idée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais à la Ligue des droits de l'homme au moment où l'arrêté royal a été adopté. À ce moment-là, j'étais encore étudiante et j'étais dans la commission droits économiques et sociaux et culturels. Donc, pour expliquer, la Ligue fonctionne avec différentes commissions thématiques. Et donc, j'étais dans cette commission-là. Le souci, c'est que personne... Enfin, on a trouvé personne qui était en mesure de pouvoir attaquer l'arrêté royal. Enfin, des forces, des énergies, tant de la part des avocats que de la part des juristes. Et donc, l'arrêté royal n'a pas été attaqué, mais a été attaqué par une plateforme qui s'appelle Lutte contre la pauvreté flamande, donc Netwerk tegen Armoede, qui l'a attaqué, mais dont le recours a été rejeté pour défaut d'intérêt. Parce que le Conseil d'État, il faut un intérêt à agir. Sinon, le recours n'est pas recevable et le Conseil d'État a considéré que la plateforme n'avait pas intérêt à agir. Et face à cette déception, entre guillemets, on s'est dit, c'est pas grave, on attaquera au moment où les décisions individuelles tomberont. Donc à ce moment-là, j'étais aussi en contact avec la CSC. On s'était dit qu'on allait préparer... Excuse-moi, je te coupe, Catherine, parce que tu... La CSC, qu'est-ce que c'est ? Enfin, tu essayes de reformuler les choses que personne... Enfin, moi, je ne suis pas au courant de tout, sinon je ne comprends pas grand-chose, en fait, parce que tu... Donc, il y a un arrêté royal. C'est quoi, cet arrêté royal ? Pourquoi, cet arrêté royal ? Donc, la matière chômage fonctionne... Enfin, est réglementée par un arrêté royal, et non pas par une loi. Cette raison trouve son historique dans l'implémentation de la mesure chômage dans notre système. Donc en 1944, quand ils ont adopté le premier arrêté royal relatif, quand ils ont adopté les premières dispositions légales relatives au chômage, ils ont décidé de le mettre dans un arrêté royal, puisque en adoptant les mesures chômage dans un arrêté royal, ça veut dire que le Parlement n'intervient pas. Et donc les négociations sont censées être plus faciles entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et donc ça veut dire que ça se discute plus facilement en catimini, entre guillemets, sans mettre en œuvre toute la procédure législative et sans du coup avoir toute une discussion devant le Parlement. Donc voilà, ça a des conséquences au niveau de la discussion parlementaire et des enjeux démocratiques, mais bon, ça a été décidé comme ça. Et donc ça date de 1944, et depuis, toutes les modifications qui se font sur cet arrêté royal sont prises par arrêté royal aussi, quoi. Mais cet arrêté royal, c'est parce que tu parles du chômage, mais c'est quoi cet arrêté royal, quoi ? C'est pour dire que toute personne a droit à des droits ou... Oui, c'est un peu un code chômage, et le code chômage est adopté dans un arrêté royal et non pas dans une loi, comme il pourrait y avoir le code de droit pénal. Bah, là, c'est un code chômage qui est un arrêté royal. Et du coup, toute modification se fait par arrêté royal, ce qui fait que toute modification se fait en principe plus rapidement et se fait en l'absence de débat parlementaire. Oui, ça j'ai bien compris, mais l'arrêté en gros, c'est de dire que toute personne a droit à un minimum pour vivre, quoi, par exemple. Ça prévoit les conditions d'accès au chômage, donc il y a plein de conditions différentes, et notamment pour continuer à y avoir accès, être actif sur le marché de l'emploi et être chômeur de manière indépendante par rapport à sa volonté. Donc c'est plein de spécificités, c'est assez long, il y a, je sais pas, beaucoup d'articles. Et voilà. Et donc pour revenir sur l'histoire, petit à petit, ce droit est, détricoté que complémentarisé. Et en 2011, donc décembre 2011, il y a un arrêté royal qui a été adopté qui prévoyait la limitation des allocations dans le temps pour les chômeurs qui bénéficient des allocations d'insertion sur base des études. Et donc personne n'a attaqué cet arrêté royal, sauf cette petite association, mais qui s'est fait... Le nom de l'association ? C'est Netwerk tegen Armoede, dont le recours a été rejeté pour défaut d'intérêt. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les syndicats n'ont pas attaqué cet arrêté royal. Pourtant, eux sont présents dans le conseil d'administration de l'ONEM, donc sont au courant de ces modifications. Donc ça a été un peu une question, pourquoi est-ce que les syndicats n'attaquent pas ? Là, on peut leur poser la question. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des enjeux d'intérêt, que c'est un peu... Enfin, voilà, après, je crois que chaque syndicat a sa propre raison. Voilà. Je crois que le chômage n'a jamais été une priorité pour eux. Pourtant, c'est un peu... j'imagine, hein, peut-être avec le patronat, ils donnent quelque chose. Et, enfin, voilà, ils négocient tout le temps, et donc c'est un partenaire. Et voilà, donc ils sont... Enfin, bon, c'est quand même regrettable, sachant qu'ils sont quand même... censé défendre les chômeurs qui font partie de leur... qui cotisent quand même pour eux et qui sont une grosse partie de leur électorat, on pourrait dire. Donc, suite à ça, on s'est dit que on attaquerait les mesures individuelles et la CSC, donc le syndicat chrétien, a dit qu'ils ont également dit qu'ils attaqueraient les décisions individuelles à défaut d'avoir attaqué l'arrêté royal. Sauf que moi, arrivé en décembre, je me rends compte que les décisions vont tomber et que les syndicats n'attaquent pas, contrairement à ce qu'ils avaient dit. Là-dessus, moi, je ne réagis pas spécialement. Et puis, en janvier, il y a un chômeur qui me contacte. Quelle année, alors ? Janvier 2015, donc juste après les exclusions. Il y a un chômeur qui me contacte et qui m'a été envoyé par le CSCE. Donc le CSCE, c'est le Collectif Solidarité contre l'Exclusion Sociale, qui est une association qui a différentes missions et qui a notamment un service juridique. Et voilà, ils écrivent aussi un journal qui paraît tous les 3 mois, je pense, dans lequel il y a différents articles sur l'exclusion sociale de manière générale, mais ils ont une tendance à traiter de manière plus large plein de sujets. Ça peut être l'énergie, le chômage, les étrangers, tout ce qui est terrorisme suite à Charlie et d'autres matières. Et donc, le service Infordroit me contacte, m'envoie ce chômeur, et lui est hors délai, puisque la décision datait du mois de novembre. Et donc, on ne pouvait plus introduire un recours. Et là, je me dis, mais c'est quand même dommage, parce que bon, il y a plein de chômeurs. Donc, ça pourrait être bien d'essayer de voir s'il n'y a pas... soit des recours qui ont déjà été introduits, soit des personnes qui seront susceptibles de pouvoir introduire un recours. Donc je contacte Daniel Dumont, qui est prof de sécurité sociale à l'ULB, qui lui a écrit un article sur le principe de standstill, donc quelle argumentation juridique qu'on peut développer pour ces recours. Lui me dit qu'il n'a pas connaissance de recours qui ont été introduits. Je contacte d'autres avocats qui eux-mêmes n'ont pas connaissance. Mais tout le monde se sent plus ou moins prêt à introduire des recours s'il y a des personnes qui peuvent le faire, quoi. Donc là, j'écris un appel en expliquant dans cet appel l'argumentation juridique qu'on pourrait développer devant les cours et tribunaux. Et cet appel avait vocation à circuler et commence à circuler, mais ne circule pas très bien. Puisque ça reste difficile de casser les clivages sociaux, économiques et culturels dans lesquels on est. Voilà, moi je connais, enfin, voilà, c'est toujours la même difficulté à laquelle on est confronté, c'est casser les clivages, quoi. Et donc cet appel circule, mais ne parvient pas à toucher un grand nombre de personnes. Et donc cet appel qui est de dire que il y a des avocats qui se mettent ensemble pour essayer de défendre les chômeurs en difficulté, quoi. C'est ça ? Voilà, c'était surtout de dire que l'arrêté royal est illégal et qu'on peut le contester devant les cours et tribunaux. Enfin, qu'on peut contester les décisions prises sur base de cet arrêté royal devant les cours et tribunaux. Et que c'est pas parce que les syndicats refusent de... Enfin, et donc a fortiori, c'est pas parce que les syndicats n'introduisent pas de recours qu'il n'y a rien à faire. Et qu'il y a la possibilité de combattre cette injustice, même si le recours, sans garantie de réussite, quoi. C'est juste dire, il est important quand même de réagir, même si, je pourrais expliquer l'argumentation juridique par après, même si les garanties de réussite ne sont pas certaines, quoi. Et donc... Comme l'appel a du mal à circuler, le CSCE, donc, qui est l'association qui m'avait déjà envoyé le premier chômeur, donc le collectif Solidarité contre l'exclusion, propose de relayer l'appel et le relaie de manière du coup beaucoup plus large, puisque eux ont dans leur mailing list de la presse et beaucoup d'autres associations. Et du coup, le jour même, la RTBF me contacte. Puis quelques jours après, il y a la dernière heure, et puis le soir, et puis de nouveau la RTBF. Et donc l'appel commence à circuler de manière beaucoup plus forte. Puis il y a Vie Féminine aussi, donc il y a plein d'associations qui commencent à se dire « Ah, mais pourquoi pas ?» Et là, du coup, il y a plein de chômeurs qui ont commencé à me contacter, même si beaucoup de personnes sont hors délai. Et même si je pense que les personnes qui sont les plus précarisées ne me contactent pas, alors que c'est eux qui ont les dossiers les plus défendables. Mais bon, ça reste hyper compliqué, c'est des gens qui ont tout perdu. Qui ont souvent une accumulation de problèmes qui du coup découlent, qui sont le logement, le paiement des factures de manière générale, enfin juste la vie quotidienne qui s'arrête, quoi. Et donc Moi, je dirais comme ça, chaque chose à la fois. Et quoi, il y a plusieurs gens au chômage qui sont venus te voir. Et donc, il y a des procédures en cours pour... Pourquoi ? Parce que ces gens, en gros, ont perdu leurs droits ou vont les perdre. Et donc, en gros, toi, ton job, ce serait de montrer, en fait, qu'on n'a pas le droit de couper les vivres à ces gens, quoi. Oui, alors il y a des procédures en cours, mais donc pour expliquer l'argumentation juridique qui pourrait se développer et le pourquoi c'est important de cibler peut-être les causes défendables, c'est... Donc en fait, il y a l'article 23 de la Constitution qui garantit le droit à la sécurité sociale. Donc c'est une des plus hautes normes législatives dans notre droit, donc la Constitution. Mais au moment où le législateur a intégré le droit à la sécurité sociale dans la Constitution, il a bien dit que la norme n'avait pas d'effet direct. Donc ce qui veut dire que les personnes ne peuvent pas prendre le droit à la sécurité sociale pour aller devant les cours et tribunaux et l'invoquer directement, quoi. Donc ils doivent d'office la sortir d'autres principes. Et donc là, on l'a sorti du principe de standstill, qui est un principe selon lequel on ne peut revenir en arrière sur des droits acquis. Donc il peut y avoir une régression. Donc on regarde la situation de la personne avant la modification et après la modification, et on regarde s'il y a une régression. Donc là, en l'occurrence, avant, les personnes avaient droit au chômage, et puis après, ils n'ont plus droit, donc il y a une régression, et il y a un retour en arrière par rapport à des droits qui ont été donnés. Et bon, le problème, c'est que ça ne peut pas être absolu. Donc, il peut y avoir des modifications, mais ces modifications doivent être justifiées. Et elles doivent être justifiées pour divers motifs, mais en tout cas, on doit comprendre la nécessité de la mesure. On doit comprendre qu'il n'y a pas d'autres moyens qui peuvent être atteignables par d'autres petites mesures. Et donc, ça doit vraiment être justifié. Donc, le législateur doit faire un travail important où on voit qu'il a fait une étude de cas, qu'il a regardé les conséquences budgétaires de telle et telle mesure, qu'il a vu que, mais si tout le monde va au CPS, du coup, peut-être que l'intérêt économique ne se justifie plus. Enfin, voilà, il doit avoir un petit bureau d'études qui effectue un petit travail de fond et pas prendre une mesure à la légère, quoi. Or, quand on regarde l'arrêté royal, on voit que le législateur invoque des motifs budgétaires et des motifs d'insertion sur le marché de l'emploi, que ce serait bénéfique pour favoriser l'emploi des personnes en allocation d'insertion. Ce qui est évidemment extrêmement limpide, puisque justifié par deux phrases que la mesure ne peut être atteinte par d'autres moyens, c'est pas suffisant, évidemment. Et donc, l'idée, c'est d'invoquer ça, c'est que la proportionnalité n'est pas démontrée, puisque le préambule de l'arrêté royal n'est absolument pas clair, et que donc le principe de standstill est violé, et donc l'article 23 aussi, et donc on remonte, et donc tout est... Enfin, et donc c'est contraire à la Constitution. Le seul souci, c'est que les cours et tribunaux doivent dire effectivement l'arrêté royal est contraire à la Constitution, donc on doit écarter cet arrêté royal, donc on ne peut pas l'appliquer, et donc on remet le chômeur dans ses droits, quoi, comme si l'arrêté royal n'avait jamais existé. Sauf que l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'aiment pas trop l'appliquer puisque c'est effectuer un contrôle incident, on appelle ça. Donc c'est contrôler de manière, sur le côté, la non-constitution de l'arrêté royal. Et en fin de compte, c'est effectuer un contrôle politique sur une question juridique. Et donc ça, les cours et tribunaux ne sont pas du tout friands, ce qui est relativement compréhensible puisque ça porte atteinte à la séparation des pouvoirs et tout. Les beaux principes démocratiques applicables. Et donc, c'est pour ça que le recours est d'abord symbolique, puisqu'on ne peut pas garantir, que les cours et tribunaux vont appliquer ce changement. L'article 159, surtout. Parce qu'ils n'aiment pas faire ça, quoi. Après, moi, je pense que, personnellement, je pense que ça vaut quand même la peine d'essayer, que ça vaut la peine de se défendre. Et surtout, ça met sur la table une question de constitutionnalité et ça ne laisse pas quelque chose dans l'oubli, quoi. Parce que c'est un long processus, quand même, on en a beaucoup parlé. Et ça permet aussi de remettre ça en disant, on ne se laisse pas faire. Et oui, d'accord, vous adoptez des mesures, mais nous, on ne lâche pas. Et voilà, et on suit ce qui se passe par après et quelles sont les conséquences d'une telle mesure. Et surtout que c'est une mesure qu'il ne faut pas adapter n'importe comment, quoi. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle peut-être, mais ça c'est de la stratégie judiciaire, donc c'est difficile à dire, mais c'est peut-être plus difficile de défendre une personne qui est au chômage depuis des années, depuis 25 ans et qui n'a jamais travaillé, plutôt qu'une personne qui pendant 10 ans a toujours été à mi-temps et n'a jamais ouvert ses droits au chômage. Et ça c'est un peu le caractère difficile des recours, c'est que commencer à dire « oui mais bon, vous avez une situation professionnelle qui n'est pas géniale pour le juge », c'est un peu difficile quoi. Donc ça c'est vraiment du cas par cas qu'il faudra voir aussi avec les personnes, de voir est-ce que vous avez réellement envie d'introduire un recours, sachant que c'est... Enfin voilà, moi personnellement je trouve ça très dur de dire à quelqu'un « vous n'avez pas votre chance devant les cours et tribunaux », alors que enfin, pour moi tout le monde devrait... Enfin pour moi l'injustice est criante quelle qu'elle soit, parce que... Voilà, j'estime à titre personnel que tout le monde devrait avoir droit au chômage, quelle que soit la situation. Mais voilà, ça c'est de la stratégie judiciaire, donc on verra par la suite. Et les gens, donc tu dis, hein, si j'ai bien compris, c'est toujours ça, c'est bien comprendre ce que tu dis. C'est, t'as eu affaire donc à plusieurs personnes là pour les défendre. Qu'est-ce qu'ils disent ces personnes en fait? Donc ces personnes... On leur a coupé les vivres, comment elles vivent, et alors aussi comment est-ce que tu fais payer, enfin comment ça se passe? Alors les personnes, ce qu'elles disent, y a beaucoup de situations très douloureuses quoi, enfin et c'est très dur, et c'est beaucoup de gens qui sont dans des situations de détresse, qui ne comprennent pas, qui créent un peu leur injustice, et surtout que il y en a beaucoup qui ont cherché du travail et qui sont beaucoup investis et qui n'ont jamais trouvé, et qui se retrouvent avec des formations. Enfin, il y en a beaucoup qui ont fait des petites formations. Où tu sens qu'ils mettent beaucoup d'espoir dans ces formations, et qu'on leur dit il y aura moyen, et puis qu'en fait ils n'ont jamais rien. Enfin, c'est la cruauté de la recherche d'emploi et de la dynamique actuelle de l'activation, quoi, où on déplace la responsabilité de la recherche d'emploi sur les personnes. Et on sent qu'elle souffre de ça, parce que forcément, on culpabilise les gens du fait qu'ils ne trouvent pas d'emploi, alors que c'est pas eux qu'il faut... C'est pas ça le problème, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'on ressent très fort. C'est une espèce de sentiment d'injustice. C'est des situations malheureuses, quoi. Forcément, on coupe les gens du jour au lendemain, alors que... qu'ils font... Enfin... Alors que la situation incombe à la société et pas à eux, quoi. Donc... Et après, pour le travail gratuit, c'est clair que moi, je n'ai pas envie de faire payer des gens qui sont dans une situation de précarité. Le seul souci, c'est que, comme mon bâtonnier me l'a très bien rappelé... C'est quoi ça, un bâtonnier? C'est mon grand chef. C'est le chef des avocats. On est divisé en différents... Les avocats sont un grand groupement corporatif divisé en différentes petites sections. Et la déontologie empêche aux avocats de travailler gratuitement pour plein de raisons. Mais c'est pas vrai ça, c'est dingue ça. Et c'est mais une raison, c'est trop marrant ça. Vous pouvez pas travailler gratuitement. Non, mais je pense que c'est pour éviter les abus et pour éviter que certains avocats puissent porter préjudice à d'autres en travaillant gratuitement et du coup en empêchant les autres de travailler de manière payée. Et c'est un peu une solidarité, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est un peu une solidarité de... Parce que si une personne, s'il y en a cinq qui font payer et puis il y en a un qui ne fait pas payer, du coup ça ne va pas et du coup ça ne respecte pas les principes de concurrence finalement. Hein, c'est... Oui, mais comme ça, moi j'apprends, je ne savais pas, mais c'est génial, n'empêche celui qui ne fait pas payer, parce que du coup il y a le savoir et la connaissance et les droits, il les fait partager à tout le monde. Moi ça me raconte beaucoup, parce que c'est comme si... On sait bien hein, que les avocats, c'est un peu la sphère aussi, c'est une certaine classe, quoi, tu vois, les avocats. Donc, s'ils se mettent à proche des gens, ça va pas. C'est ça que ça me raconte, moi, en fait, tu vois. Ouais. En fait, le souci, c'est que... Enfin, c'est le souci de base, c'est que les personnes qui sont... qui ont très peu de revenus devraient pouvoir bénéficier de l'aide juridique de manière inconditionnelle. Or, en l'occurrence, toutes les personnes qui sont cohabitantes souvent n'ont pas accès à l'aide juridique puisque les revenus, il faudrait revérifier, mais c'est de l'ordre de 900 000 euros pour les cohabitants, et puis le deuxième seuil c'est 1200. Donc ça veut dire que des personnes qui sont cohabitants et qui gagnent plus de 1200 euros par mois n'ont pas droit à l'aide juridique. Or, si on prend l'exemple d'une colocation, par exemple, enfin là, on prend en considération les revenus des cohabitants et des colocs locataires, et donc on est très vite au-dessus des seuils. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont exclus et qui vivent en couple, et s'il y a une des deux personnes qui travaillent, bah souvent elles sont hors des conditions du BAJ. Voilà, et donc le problème de base, c'est le BAJ qui est trop strict, quoi. Qu'est-ce le BAJ ? Le bureau d'aide juridique, donc les conditions pour accéder au bureau d'aide juridique et à l'aide juridique de manière générale. Donc c'est ça le problème de base, parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont accès à un avocat gratuit, du coup. Mais le souci, c'est toutes les petites personnes à côté qui sont juste en dessous du seuil, et un avocat, ça coûte tellement cher, quoi. C'est pas pour eux, quoi, très clairement. Mais ça me fait penser aussi comme les médecins. Le médecin qui va soigner gratuitement, ça enlève du boulot à financer à d'autres. C'est un peu le même principe, quoi. Et en même temps, non ? Ouais, c'est un peu le problème, quoi. Après, là, l'idée aussi, c'est parce qu'il y avait tout ce truc à titre gratuit qui a fait l'objet de beaucoup de débats, mais ce qui était important de souligner, c'est que la procédure au tribunal du travail est gratuite. Et que, contrairement à certaines procédures, il n'y a pas d'indemnité de procédure. Donc ça veut dire que la procédure est gratuite. Et il n'y a pas de répétabilité des honoraires d'avocat, qui donc, est une obligation pour la partie qui perd, entre guillemets, le procès, de payer les frais d'avocat de la partie adverse. Donc ça n'existe pas en matière de sécurité sociale au tribunal du travail. Donc ce qui fait que si un chômeur introduit un recours, outre les frais d'avocat, la procédure sera entièrement gratuite. Et après, moi, je propose un service gratuit, entre guillemets, dans le sens où je fais circuler une requête, donc qui sont le document qu'on peut introduire au tribunal du travail. Je fais circuler une requête qui est gratuite, et si la personne ne rentre pas dans les conditions du BAJ, comme mes obligations déontologiques m'interdisent de défendre cette personne gratuitement, bah du coup, je peux la mettre en contact avec une association. Et cette association dispose de la requête et donc peut remplir les trous avec elle et voir après avec elle pour les plaidoiries, comment est-ce qu'on s'organise. Et puis voilà. Et puis on peut évidemment toujours tout revoir et tout est toujours rediscutable. Mais voilà. Et donc les gens qui sont venus te trouver demandeurs d'emploi, qui se trouvent vraiment dans la merde, puisque du coup ils n'ont plus du tout accès à leurs droits, donc à de l'argent, soyons clairs sur les mots aussi, ils ne sont pas sûrs en venant te trouver qu'ils vont gagner le procès, quoi, c'est ça, hein ? Oui, c'est pour ça aussi que je trouvais ça dur de dire aux gens qu'il faut payer pour un avocat, et c'est pour ça que cette requête, elle doit circuler et qu'elle circule. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de garantie de résultat. Et ça, c'est la difficulté aussi, c'est de lancer un appel qui peut susciter certains espoirs, alors que bon, il faut rester réaliste que la loi est là et qu'elle n'est pas en notre faveur, en la faveur des personnes concernées, et que les cours et tribunaux ne sont pas forcément ça reste la justice, quoi. Ça reste la justice... qui n'est pas forcément une justice favorisant les mesures à l'égard des personnes dans les difficultés, dans des difficultés économiques. Ou... Donc pour le moment, si je comprends bien, en fait, tu as développé, tu as fait une recherche là-dessus, c'est-à-dire pouvoir essayer de défendre ces demandes d'emploi suite à l'article en 1944, etc. C'est ça ? Et mais tu as encore... tu as rencontré des gens, oui mais tu n'as pas encore gagné un procès, par exemple. Non, non. Et aussi, une deuxième question, c'est le demandeur d'emploi qui écoute l'émission, qui est dans la merde. Quel profil type, si je peux dire ça comme ça, pour gagner un procès, par exemple ? Quelles sont les conditions pour gagner un procès, par exemple. Mais là, peut-être, ouais, c'est trop flou, tout ça. Non, donc, gagner de procès, entre guillemets, non, pas encore gagner de procès. Mais simplement parce que les procédures ont été introduites récemment et que ça met au moins 6 mois et que le tribunal du travail de Bruxelles s'est fort encombré. Voilà, après, moi, je pense que rien que le débat médiatique qui a été fait là-dessus, c'était déjà... une petite victoire, dans le sens où ça change un peu de parler des chômeurs autrement qu'en les traitant de profiteurs ou ou de chômeurs devant rembourser parce qu'ils ont trop perçu, ou de nouvelles mesures susceptibles de renier encore leurs droits. Oui, mais toi, c'est quand même énorme ce que tu amènes, c'est dire, voilà, il y a moyen de changer la loi, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas dans la loi, on ne peut pas faire ça, c'est quand même énorme, quoi. Donc les personnes qui se retrouvent en dehors de ce droit, ils t'écoutent et ils disent, ah quoi, il y a moyen d'avoir recours, il y a moyen de se défendre, voilà, c'est surtout ça que j'avais envie d'entendre, parce qu'après, évidemment, les chômeurs profiteurs, il y a des gens qui vont penser, oui, que le chômeur profite, et puis il y a tout un discours quand même qui vient contrebalancer tout ça aussi, quoi. Ouais, le seul souci, c'est qu'on reste dépendant de l'interprétation effectuée par les cours et tribunaux, et que même si on constate une illégalité, ils n'aiment pas se prononcer sur ce genre de questions, parce que c'est une question politique sous-jacente, et que c'est pas une question purement de droit. C'est une question de droit, mais commencer à constater que le législateur n'a pas effectué son travail jusqu'au bout, et constater que les conditions légales ne sont pas remplies, c'est un peu tendu, quoi. Et voilà, après, c'est clairement défendable, et c'est la raison pour laquelle il faut introduire des recours, et ça a attesté aussi par le professeur de sécurité sociale, donc Daniel Dumont. Voilà, donc je pense qu'il y a des moyens à faire valoir, c'est juste c'est le juge qui décidera en fin de compte. Hein, donc c'est pour ça que c'est pas évident, et surtout c'est bête d'avoir raté la première étape de remettre en question l'arrêté royal au moment où il a été adopté. Et sinon, un chômeur, il faut se mettre à la place du juge, hein, forcément. S'il voit que la personne a travaillé pendant plusieurs fois, qu'elle a été de bonne volonté, et que c'est un cas où on voit vraiment l'injustice de cette modification réglementaire, c'est clair que c'est une personne qui a plus de chances, entre guillemets, de pouvoir faire pencher la balance de son côté. Ah oui, quand même, tu crois ? J'ai l'impression que c'était ça justement l'injustice, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient qui cherchaient vraiment du travail. En fait, la loi s'en fout, elle regarde même plus ça. C'est tu ne rentres pas dans les conditions tip top, hop, viré. Alors que, enfin voilà, moi c'est ce que j'avais entendu. Non mais là je parle d'un recours devant le juge, hein, mais de le juge et l'auditeur du travail va regarder quelle a été la situation professionnelle avant le recours. Introduit par la personne, et clairement quand on voit que c'est une pauvre petite personne qui a toujours fait, qui a toujours eu des intérims et qui est exclue sur une base complètement injuste alors qu'elle a voulu s'intégrer sur le marché de l'emploi, enfin voilà, c'est rentré dans leur vocabulaire et leur vision, hein, c'est pas... Enfin, ce que je disais tantôt, c'est que pour moi, toute personne devrait pouvoir introduire un recours, quelle qu'elle soit, parce que, enfin, à mon égard, l'injustice est présente, quel que soit le type de passé professionnel ou même l'absence de passé professionnel. Après, le juge, il n'est pas dans cette vision-là. Enfin, de manière générale, il n'est pas dans cette vision-là. Il est plutôt dans le délire de l'intégration sur le marché de l'emploi, de l'activation et de la responsabilisation des personnes face à leur absence d'emploi. Et donc si cette personne, on sent qu'elle a toujours effectué ce qu'on attendait d'elle et qu'elle a toujours voulu travailler et qu'elle a travaillé et qu'elle a cotisé et qu'elle rentre dans la case chômeur actif, dynamique et responsabilisé, bah, clairement, il y aura plus de chances de faire pencher la balance. Après, c'est juste, on joue dans un jeu judiciaire et donc il faut le jouer jusqu'au bout. À mon grand désarroi, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça a plus de chance après. Et les droits de l'homme dans tout ça, on peut pas faire passer par, on peut pas passer par là, parce que c'est un droit d'avoir le minimum pour vivre et de pas être éjecté comme ça. Ben là, on tombe dans le débat du système d'assurance sociale et d'aide sociale. Enfin, qui s'appelle maintenant Action sociale, mais effectivement, on a encore le droit à... Enfin, alors, on tombe dans la dignité humaine, et il y a le CPS, donc on a encore le droit... Oui, le minimum pour vivre, oui. C'est pas la même caisse. Non, voilà, c'est ça, c'est pas la même caisse. Et c'est la raison pour laquelle il y a une régression aussi dans les droits, parce que même si la personne bénéficie encore d'un soutien financier, elle tombe dans un système... Elle n'est plus dans un système de sécurité sociale, mais elle est dans un système d'aide sociale, nommé Action sociale. Ah, ça, oui. Hein. Et toi, Catherine, être avocate, parce que t'es pas toute vieille, là, je vois bien, tu démarres, tu l'as dit d'ailleurs au début, c'est quoi ta vision, pourquoi être avocate en fait? J'ai démarré en étant, c'est surtout que j'ai fait le droit, et au départ j'ai une vision très droit de l'homiste de la société, et voilà, j'avais beaucoup d'idéaux, et puis forcément avec le temps on se rend compte un peu plus de qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme et pourquoi pas finalement vouloir défendre ça à tout prix. Donc voilà, donc j'ai eu un rejet un peu du droit tout en restant très attirée par ça. Puisque finalement, ça nous rattrape un peu, puisque même si on veut s'exclure dans une certaine mesure du monde qui nous entoure et des systèmes répressifs présents en toute matière, hein, que ce soit, enfin pour moi, le chômage, c'est un système répressif parmi d'autres. Donc voilà, je me suis retrouvée aussi face à des copains qui se sont retrouvés dans des procès. Finalement, ça donne quand même envie d'aller mettre son grain de sel et d'essayer de faire quelque chose et d'essayer de défendre les gens et d'apporter. Parce que mine de rien, le droit est aussi quelque chose de politique. Mine de rien, oui, mine de rien. Même si pour certains, c'est moins clair. Voilà ce qui m'a donné l'envie de revenir vers le droit et pour m'y attaquer par cet intermédiaire-là. Parce que finalement, ça m'a toujours un peu passionnée quand même, d'essayer de voir un peu la petite bête qui pouvait bloquer un système, malgré toutes les critiques qu'on peut apporter au fait de travailler dans le système pour bloquer le système et que ça ne peut pas fonctionner, mais que blablabla. Voilà. Et tes collègues avocats, ça va? Tu t'entends bien avec Il y en a oui, il y en a non, évidemment, mais... On se retrouve dans la minorité des progressistes. Donc évidemment, il y a des super chouettes personnes. Mais j'ai plutôt été agréablement surprise, quoi. Parce que forcément, quand on rejette un système juridique, on le rejette en bloc et sans voir qu'il y a aussi parmi ce système des gens qui essayent de le combattre de l'intérieur. Étonnamment, oui, en commençant, j'ai été vraiment surprise puisqu'il y a pas mal de personnes qui, sans crier... au effort au scandale ou sans s'investir dans des structures collectives informelles, essayer de combattre quelque chose qu'ils trouvent injuste. Voilà, et puis même au quotidien, je ne me rendais pas compte de l'incidence que pouvait, je partais dans une dynamique très négative, dans le sens où pour moi, la structure juridique ne pouvait avoir l'incidence que je pensais, quoi. Donc par exemple, je travaille beaucoup en détention administrative, donc c'est la détention des étrangers, donc tout ce qui est centre fermé. Et je ne pensais pas qu'au travers des procédures, au travers d'une procédure juridique ou au travers de la position d'avocat, on pouvait avoir une telle incidence sur la détention des personnes. Ah oui, tu veux dire que tu peux changer le cours des choses, quoi. C'est ça que je comprends. Cours des choses, non, mais après, on peut arriver à libérer de temps en temps une personne. Attends, mais c'est quand même énorme, hein, ça. Oui, tu changes quand même, c'est fort, quoi, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, parce que c'est vraiment difficile, quoi. Et après, parfois, en mettant la pression sur l'Office des étrangers, on arrive à ce qu'une personne sorte, quoi. Mais voilà, c'est pas courant, et moi, je pensais que ça arrivait encore moins souvent que ce que j'imaginais, quoi. Oui, puis enfin le recours, enfin les étrangers là, c'est quand même énorme ce qui se passe là en ce moment. Hein, y a des gens qui sont enfermés. Tu comprends pas bien pourquoi ils sont enfermés. Hein, ils n'ont rien à faire là en fait à la base. C'est ça aussi quoi, non? Oui. Donc les libérer, enfin je minimise pas ton travail, hein, mais ça, voilà, il y a plein de gens qui sont enfermés qui ne devraient pas être enfermés quoi, tout simplement parce qu'ils sont étrangers quoi, qui viennent de là-bas ou de, tu vois. Qui n'ont pas de papier ou parce que c'est... Enfin... Ouais, de manière plus générale, c'est la question de l'enfermement, quoi. On ne devrait juste pas enfermer les gens, qu'ils soient étrangers ou pas. Catherine Forget, donc, comment on peut faire pour te trouver? Est-ce qu'on peut donner ton téléphone directement ou tu préfères un mail ou... Comment faire? Non, alors il ne faudrait pas que je sois suspectée de faire de la publicité personnelle. Non, c'est pas toi qui fais... Je dis ça pour rigoler, mais c'est parce que c'est les obligations déontologiques qui m'ont été rappelées récemment. Et donc voilà, donc je ne vais pas faire de la publicité personnelle, mais de toute façon, il y a un annuaire avec tous les avocats. Et d'ailleurs, dans cet annuaire, vous pouvez également trouver d'autres avocats qui pourraient défendre la situation. Et donc, mon nom est, enfin, mes coordonnées sont sur Internet et dans l'annuaire des avocats. En tout cas, moi, je tiens à dire, c'est génial qu'il y ait des gens comme toi, voilà, parce que la sphère, je l'ai dit un petit peu, la sphère des avocats, c'est un peu... quelque part, ça défend aussi le système qui est mis en place, quoi. Voilà, et ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de changer ce système, en tout cas, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, tu dis ? Ou de le renverser. Oui, en tout cas, qui ne sont pas d'accord et qui mettent des choses en place. Et ouf, quoi, ça fait du bien de savoir ça. Merci, Catherine. Bah, merci à toi. Thank you.